Quel épouvantable désastre! Près de 2000 maisons écroulées, 700 morts, tous les ponts emportés, un quartier rasé, noyé sous la boue, des drames atroces, 20 000 misérables demi-nus et crevant de faim, la ville empestée par les cadavres, terrifiée par la crainte du typhus, le deuil partout, les rues pleines de convois funèbres, les aumônes impuissantes à panser les plaies. Mais je marchais, sans rien voir, au milieu de ces ruines. J'avais mes ruines, j'avais mes morts qui m'écrasaient. On me dit qu'en effet, beaucoup de corps avaient pu être repêchés. Ils étaient déjà ensevelis en longue file dans un coin du cimetière. Seulement, on avait eu le soin de photographier les inconnus. Et c'est parmi ces portraits lamentables que j'ai trouvé ceux de Gaspard et d'Véronique. Les deux fiancés étaient demeurés liés l'un à l'autre par une étreinte passionnée, échangeant à la mort leurs baisers de noces. Ils se serraient encore si puissamment, les bras raidis, la bouche collée sur la bouche, qu'il aurait fallu leur casser les membres pour les séparer. Aussi, les avait-on photographiés ensemble. Ils dormaient ensemble sous la terre. Je n'ai plus que cette image affreuse, ces deux beaux enfants gonflés par l'eau, défigurés, gardant encore sur leur face livide l'héroïsme de leur tendresse. Je les regarde et je pleure.